maman chéri, ou qu'on aime même, mais à l'air qu'il est, moi à moi vie changer. Dis maman chéri, ou qu'on aime même, mais à l'air qu'il est, moi à moi vie changer. L'un des vagues mais nous te vivons très bien, mais à Nessie là, mes chéris papes s'arrêter. L'un des vagues mais nous te vivons très bien, mais à Nessie là, mes chéris papes s'arrêter. Maman chéri, ou qu'on aimerait même, mais à l'air qu'il est, moi à moi vie changer. Dis maman chéri, ou qu'on aimerait même, mais à l'air qu'il est, moi à moi vie changer. L'un te fait cramer, notre vie très bien, mais à Nessie là, mes chéri papes s'arrêter. L'un des fagres mais nous te vivons très bien, mais à Nessie là, mes chéris papes s'agriter, là m'a prêté pour me garder. Moi was on ka perdu, ma prêté pour me garder. Moi was on ka perdu, aïe m'a prêté garder. Moi was on ka perdu, m'a garder, m'a garder. Moi was on ka perdu, m'a garder. Gardez-moi, gardez-moi, gardez-moi, gardez-moi. capérer.